Talking on our pas mon enfant. Gotta go down and wipe my teeth. It's been very nice jamming with you all 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Oh yeah. Synchroniser sur son truc. Bonjour Julien Kiki. Bonjour T. Bonjour Martin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? What do you want to play? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bonjour Martin. Déjà.